Activité 2, page 30, piste 20. Salut Caroline. Tu vas bien? Oui, merci. Et toi, Lucas? Ça va. Ce week-end, ma famille fait un barbecue au parc. Tu viens? Oh, je veux bien. J'apporte quelque chose? Non, mes parents préparent tout. Rendez-vous au parc samedi à midi, ça va. C'est parfait. Alors, à samedi.